Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Je vous préviens tout de suite, on n'est pas en direct, cette émission aura été enregistrée un petit peu plus tôt dans la journée. Et comme je l'ai annoncé sur la page Facebook Radio Gémozo et dans mon émission d'hier soir, on va parler d'un artiste qui est déjà passé plus d'une fois dans nos locaux, mais c'est une première dans l'Heure des Loups. Il s'agit de Toff Blanc. Bonsoir Toff Blanc. Bonjour. Alors, dis-moi, c'est vrai que c'est une première dans l'Heure des Loups, alors bienvenue. Ouais, merci. Cool. Et c'est vrai que, en soi, moi je te connais pas encore très bien et peut-être que les auditeurs de l'Heure des Loups ne te connaissent pas forcément parce qu'en fonction des émissions et des animateurs, on n'a pas les mêmes auditeurs. Alors, toi tu es artiste, performeur, clown, c'est ça? Alors en fait, je suis artiste peintre, clown jongleur. Voilà, et je fais aussi des sculptures, j'ai fait des sculptures monumentales avec des vélos pour le cyclotourisme qui s'est passé au mois d'août. Oui, ça on va en parler dans quelques instants parce que je me souviens de ta recherche de vélo. Tu avais laissé quelques affiches dans nos locaux, on en parlera, ne t'inquiète pas. Alors oui, tu as plein de casquettes. Quel a été le déclic pour toi de mener une vie d'artiste? C'est ma fille il y a très longtemps. Il y a à peu près maintenant 24 ans, voilà, il s'est passé un phénomène avec elle et du coup ça m'a lancé en tant que clown jongleur. Et puis pour la peinture, parce que j'ai aussi cette activité-là, elle, ça fait un peu plus longtemps, ça fait 30 ans que je suis artiste peintre, disons artiste, ça fait 30 ans que je fais de la peinture et ça c'est un déclencheur avec mon frère qui lui à l'époque peignait et je m'y suis mis et du coup j'ai jamais arrêté. Et là, je suis là aujourd'hui pour cette réunion pour parler de mon exposition de peinture qui aura lieu là bientôt. Et oui, en effet, il y a une exposition qui a lieu en ce moment même et dont le vernissage est samedi, si je ne me trompe pas. Donc on va en parler aussi, ne t'inquiète pas, ça fait partie du sujet. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, restez à l'antenne. Et oui, alors on parlait de ton parcours, de ton activité. Tu es artiste professionnel, c'est ton seul moyen de subsistance? Alors, ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est le clown. Je suis intermittent du spectacle. Donc, je fais assez de spectacles, d'animation pour pouvoir en vivre. Voilà. La peinture, elle, je ne suis pas professionnel. C'est une activité qui est déclarée, mais à côté, mais pas en tant que professionnel. Déclarée aux impôts. Mais j'en vis pas assez, je gagne pas assez pour pouvoir en vivre de ça. Mais les deux font un bon complément en fait. Et dis-moi, en tant qu'intermittent du spectacle, on n'en a pas reçu beaucoup. Je me souviens, j'ai déjà reçu Magic Cecily, à qui on passe le bonjour s'il nous écoute. C'est vrai que le statut des intermittents du spectacle a beaucoup fait débat pendant très longtemps. Il en est quoi en ce moment ? Eh ben, ils sont revenus un petit peu en arrière. Avant, c'était faire nos cachets sur 10 mois. Et maintenant, ils sont revenus sur un an. Voilà. Mais dans les intermittents du spectacle, il y a les magiciens, les clowns, les jongleurs. Mais il y a aussi des techniciens, il y a aussi des chanteurs, des musiciens, je l'ai dit. Voilà, je crois que dans les Vosges, je crois que sur le département, on doit être à peu près 800, il me semble. À peu près, je ne sais plus trop, c'était il y a une paire d'années déjà. C'est quand même assez conséquent, 800 intermittents du spectacle sur le territoire vosgien. Donc 800 intermittents qui doivent se battre pour vivre encore, que tu m'as dit. Ça a évolué, ça va déjà un petit peu mieux, si j'ai bien compris. Ouais. C'est déjà une bonne chose. Et tu m'as dit, voilà, ton autre activité principale, c'est la peinture. Toi, tu te situes comment ? Plutôt concret, plutôt abstrait, figuratif ? Alors, moi, je suis plutôt dans l'abstrait. Mais c'est vrai que ces temps-ci, je travaille un personnage qui s'appelle le protecteur, qui est un peu comme... pour donner une image, souvent les gens ils me disent « Ah, on dirait le saint ». La figurine, le personnage, le film, le saint avec l'auréole au-dessus de la tête. Voilà, donc c'est un personnage qui est plutôt très fin, qui a... alors on pourrait dire que c'est du figuratif, mais c'est plutôt du semi-figuratif, parce que ça n'a vraiment pas représentation de quelque chose, en fait. On voit que c'est un corps, c'est comme une forme, un personnage, mais c'est vrai que je suis plutôt dans l'abstrait, moi, en fait. Et c'est ça qui me fait vibrer. Oui, plus l'abstrait. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'abstrait ? C'est plus des émotions, plus des... Oui, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pour moi, en fait, je m'amuse avec les couleurs. Et puis à la base, en fait, c'était surtout que je ne savais pas comment dessiner, je ne savais pas peindre, je ne savais pas faire du figuratif. Et donc, du coup, c'était plus simple pour moi d'aller dans l'abstrait. Mais en même temps, au fond de moi, je me suis aperçu que l'abstrait, c'était vraiment quelque chose qui me parlait, en fait. En fait, ça me parlait vraiment parce que je peux m'amuser avec les couleurs, je peux les projeter, je peux jouer avec de l'acrylique, de la glycéro, je peux rajouter des cailloux, du bois, je peux rajouter des matériaux, du sable sur mes tableaux. C'est vraiment... voilà, je ne me donne pas de limites. Voilà. Tes tableaux qui peuvent d'ailleurs aussi, comme tu le disais, tu rajoutes des choses, donc sortir de leur cadre et être plus que simplement lisse, oui, mais beaucoup plus en profondeur. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir en tout cas sur ton profil Facebook, peut-être sur ta page Facebook aussi. Mais pour l'annonce du vernissage, j'imagine que les photos que j'ai sous les yeux et qui seront transmises aux auditeurs sont aussi des photos, des tableaux des autres artistes pour l'exposition que tu chaperonnes. Oui, alors parce que pour cette petite expo-là, je fais venir, je fais venir trois artistes péruviens. Je vais me permettre de leur donner leur nom. C'est le premier artiste, c'est José Louise Rodriguez Yasmino. Je les ai notés hein, parce que ce n'était pas facile de les retenir. Denis F.R. Rios Chavez et Juan Vasquez Amaringo. Et en fait, c'est un ami Jean-Pierre qui est hollandais, qui a été au Pérou, qui est tombé en amour pour ses tableaux et pour ses artistes. Donc du coup, il les a achetés et il essaye de faire un peu leur promotion. Moi, j'ai vu les tableaux. Alors, c'est complètement différent parce que c'est une peinture très figurative, animalière et même voire un peu chamanique. Et donc, du coup, je lui ai proposé, comme je fais une expo du 1er décembre au 1er février, de prendre 5 toiles et d'exposer leurs 5 toiles chez moi. Ces artistes péruviens seront-ils d'ailleurs présents ? Non. Non, oh, non. Même mon ami hollandais ne sera pas là parce qu'il ne pourra pas. Voilà, on va juste pouvoir découvrir les toiles. Pour l'instant, les retours que j'ai, parce que j'ai des amis qui les ont vus, ils m'ont dit que déjà, ça sortait complètement, ça faisait un contraste entre tous mes tableaux et les leurs. Mais on a une sensation de calme, de repos devant leur tableau. Et le petit truc, c'est que quand on met la nuit une lumière bleue, et en fait, ça fait ressortir, il y a une lumière, une peinture un peu, je ne trouve plus le nom, c'est une peinture qui se voit dans la nuit, en fait. Ah, fluorescente ? Fluorescente, voilà, merci. Mais je t'en prie. D'ailleurs, c'est une question qui va venir petit à petit. On va continuer à parler de l'exposition tout au long de l'émission. Il ne faut pas s'inquiéter. Enfin, je dis ça pour les auditeurs, vu que je suis sûre que vous avez envie d'en savoir plus. Mais j'ai envie de revenir un petit peu, oui, sur ta période collecte de vélos. C'est vrai qu'il y a un moment où tu collectais beaucoup de vélos. Alors, tu as dit que c'était pour un événement en particulier. Le cyclotourisme. En effet, merci. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, les 35 sculptures ont été exposées. Et y a eu des commentaires négatifs et j'ai eu des retours très positifs. Après, vous savez, l'art, c'est toujours comme ça, en fait. J'ai récolté 800 vélos en tout, alors qui ont été surtout donnés, la grosse majorité a été donnée par les déchetteries, parce que j'avais un partenariat avec Sicovad. Et j'ai eu quelques particuliers qui m'ont apporté leurs vélos aussi. Voilà, du coup, j'ai travaillé pendant un an sur ce projet. Et les vélos ont pu être vus, les sculptures ont pu être vues à partir du 1er juillet jusque maintenant. Il y a encore quelques sculptures qui sont sur les ronds-points. Et quelques sculptures vont prendre une retraite dans des... Je ne sais pas trop où, mais je sais qu'il y en a une ou deux qui vont être sur la voie verte. Là, j'en ai un pour parler, pour mettre une sculpture chez un de mes amis, parce que je n'ai pas trouvé d'autre endroit. Et j'attends une réponse de la mairie de Saint-Laurent sur un parc de vélos, en fait. Voilà. Et ça, donc, des personnes veulent une sculpture, si elles ont envie, éventuellement, elles peuvent me contacter. Parce que je crois que la communauté de communes m'a dit qu'il y avait encore quelques sculptures qui n'ont pas pu être mises sur la voie verte. Et s'il y a des auditeurs justement intéressés pour tes sculptures, par où peut-on te contacter? Sur mon téléphone, je peux le donner à l'antenne? Oui, tu peux. Alors 0603 43 84 53. Sinon sur mon Facebook, Christophe Grange ou alors Toff Blanc. Là où ce sera bien entendu répété et indiqué avec le podcast de l'émission quand elle sera mise en ligne. Et tu m'as dit ça s'est bien passé, tu as eu des retours positifs, négatifs. De toute façon, l'art en général c'est subversif, ça peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Mais toi tu t'es senti, j'imagine, épanoui et tu as l'impression d'être allé au bout de ton projet? Oui, complètement. Ouais, vraiment, ça me... Alors, c'est vrai qu'après, on se dit, ouais, si seulement j'avais encore d'autres sculptures à faire, parce qu'après, on a d'autres idées. Mais c'est bien aussi quand ça s'arrête et que je suis dans l'expo. Donc, du coup, c'est bien. J'avais mis l'expo juste après, au mois de décembre, pour pouvoir enchaîner sur d'autres choses. Oui. Voilà. Donc, c'était bien. Je suis assez content. Pour changer de domaine. Et avant qu'on fasse une première parenthèse sonore, j'ai envie de te demander, c'est vrai que tu avais une collecte de vélos. Il me semble avoir vu justement sur ta page Facebook que tu fais une nouvelle collecte en ce moment. Une collecte de vaisselle et de porcelaine, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour un nouveau projet, j'imagine. Alors, le projet-là, on va le découvrir à l'exposition, le jour du vernissage, donc samedi qui est en 15 décembre. Et en fait, ça s'appelle la Zen Casse. C'est Zen pour Casse. Se défouler, s'amuser, rigoler, mais casser de la vaisselle qui n'est plus dans le circuit. Donc voilà, donc pour l'instant, j'ai quelques amis qui sont venus essayer le projet, qui ont trouvé ça très intéressant et très sympa. Donc on va pouvoir le découvrir ce samedi-ci. En effet, alors j'imagine que ça fait, comme tu le disais, partie de l'exposition et aussi certainement d'une performance, vu qu'il y a exposition et performance le samedi 15. On ne va pas en dire plus, on va déjà s'écouter une première pause musicale. Il s'agit d'un morceau de Leïla Huissou et le morceau La Farce. Tu vas très vite comprendre pourquoi je l'ai choisi. En tout cas, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Je te laisse le découvrir et on se retrouve juste après. Merci. Il fallait bien que je le tente une fois, traîner ma gueule sans la cacher, un verre en main les autres fois, quand le micro sent la nausée. Je vais parler, vous vous ferez rien. On va pas encore se le cacher, sur scène on n'est pas plus malin, mais vous êtes censé la fermer. Si je suis jolie, c'est que je suis de loin, si je suis loin, c'est que je suis surélevée. Physiquement, ça compense rien, mais c'est plus simple pour cracher. Allez Loulette, c'est ton moment. T'as rien à dire mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents, puis on applaudit à la fin. Quand tu t'énerves, c'est rigolo. Et quand tu pleures, c'est émouvant. T'as pas réinventé le tableau, mais ça il faut le laisser aux grands. Au seul dehors, ton apéro, à la buvette, ils sont contents. Tu dis des poètes, poètes, des gros mots. Et bordel, il est où le blanc? Valsons si a que ça pour se nourrir. Ça nous fera les pieds en trois temps. Je vous aime pas, c'est encore pire. Je préfère vos sourires à mes dents. Je suis en colère un peu partout et je m'adresse jamais aux bons gens. Chanter, ça change rien du tout. Et je me rends compte que maintenant, imaginez la fin de la farce. Pour le charlot de l'engagement, que le point levé nous terrasse alors qu'on n'a rien mis dedans. La fontaine était zoophile et Molière exilé fiscal. Quand les littéraires nous enfilent, on sent mieux passer la morale. Maintenant plus besoin de subterfuges, plus de fourmis et plus d'avares. Les cigales chantent le déluge, mais n'engueulent jamais l'arrosoir. Allez Loulette, c'est ton rang. T'as rien à dire, mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents, puis on applaudit à la fin. Quand tu t'énerves, c'est rigolo. Et quand tu pleures, c'est émouvant. T'as pas réinventé le tableau, mais ça il faut le laisser aux grands. Au seul dehors, ton apéro à la buvette, ils sont contents. Tu dis des poètes, poètes et gros mots. Et bordel, il est où le blanc? La la la la la la. Faire son siac, ça pour se nourrir. Ça nous fera les pieds en trois temps. Je vous aime pas, c'est encore pire. Je préfère vos sourires à mes dents. Je suis en colère un peu partout et je m'adresse jamais aux bons gens. Chanter, ça change rien du tout. Et je me rends compte que maintenant, imaginez la fin de la farce. Pour le charlot de l'engagement, que le point levé nous terrasse alors qu'on a rien mis dedans. Gros, c'est un pardon sincère d'une lâche révoltée qui, en criant sur son parterre, s'applique à se pisser sur les pieds. Excellent. Je suis contente que ça t'ait plu. C'est mon morceau préféré de la farce. Hein. Ouais. Je disais la farce de Leïla Huisseau de son album Auguste qui est sorti assez récemment. Elle va être contente de savoir que ça plaît à une nouvelle personne. Comme elle disait, elle ne trouve pas d'adhérent à la farce. Et bien voilà. Okay. voilà, vous êtes toujours sur Radio Gémozo. On n'est peut-être pas en direct, donc vous ne pouvez pas réagir avec nous en direct. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur la page Facebook, qu'on se fera un plaisir de lire a posteriori et peut-être pour discuter avec vous quand même. Et on est toujours avec, justement, vous l'avez compris, Toff Blanc pour une expo vernissage qui a lieu ce week-end. Enfin, l'exposition, elle est quand même beaucoup plus longue. Et le vernissage, c'est ce samedi 15 décembre. Donc forcément, c'est le moment d'en parler. Or, tant avec toi ce soir que dans le billet de sortie de demain. Mais ça, on en parlera pour la fin de l'émission. Et justement, oui, c'est le moment de parler de l'exposition. Alors, avant toute chose, cette exposition, elle a lieu du 1er décembre au 1er février. C'est quand même un moment assez long. Tu as choisi, c'est 3 mois, je crois. Ah non, c'est 2 mois. 2 mois d'exposition. Oui, en fait, mais à la base, je devais exposer dans un salon de coiffure qui est juste en dessous de chez moi, en fait. Parce que le salon de coiffure s'en va, il déménage, il prend ses locaux quelques mètres plus loin. Et donc du coup, le local était libre et je devais utiliser le local pendant 2 mois avec cette expo. Et donc du coup, c'était plus facile, je pense, pour les gens pour venir voir l'expo. Parce que c'est pas ouvert tout le temps. Hein. Souvent, les gens m'appellent ou alors ils passent et puis si c'est ouvert, c'est ouvert. Et du coup, comme le salon de coiffure n'est pas disponible, j'ai fait l'exposition chez moi cette fois-ci. Donc c'est dans mon couloir, j'ai fait un petit cabanon dehors, dans ma cave et dans mon salon, dans ma cuisine. Je vais avoir des tableaux un peu partout. J'ai repeint tous mes murs en blanc. Et je me suis dit, 3 mois, parce que si jamais, je sais que souvent les gens au bout d'un moment ils disent « Ah oui, mais tiens, j'ai pas eu le temps de passer dans ton expo. » Et là je peux dire « c'est pas grave, c'est encore ouvert. » Parce que c'est jusque février, en fait. Oui, effet, c'est quand même un temps. Et après février, j'irai peut-être exposer ailleurs. Donc, du coup, je retirerai les tableaux qui sont chez moi pour les mettre ailleurs. Je ne sais pas encore où, parce que souvent, les choses arrivent aussi des fois des projets arrivent de dernière minute, mais du coup c'est pas énorme, parce que comme les tableaux sont dans ma maison, ou alors ils auraient été dans le salon de coiffure en dessous, donc voilà, c'était pas très loin et c'était sympa. En effet, et oui, tu m'as dit, c'est un contretemps technique qui fait que tu as été obligé d'exposer chez toi. Oui. Ça pose ses avantages, mais aussi ses inconvénients à exposer chez soi. Oui, les avantages, c'est que voilà, je les vois moi tous les jours, je suis super content. J'adore vivre dans une maison avec plein de tableaux. D'abord, j'ai aussi plein de tableaux d'autres artistes quand j'ai un peu les moyens pour en acheter. Mais l'inconvénient, le plus gros inconvénient, c'est que je pense que les gens n'osent pas et s'arrêter ou même venir voir. C'est des fois, c'est plus facile quand on expose dans une galerie ou dans un lieu, les gens se déplacent plus facilement. Là, chez moi, je ne sais pas s'ils vont vraiment se déplacer, mais bon, c'est pas grave, les choses se feront parce qu'elles doivent se faire, donc je ne m'inquiète pas. Oui, et puis le temps quand même de 2-3 mois, ta maison sera transformée en véritable galerie d'art. Oui, mais en fait, ça fait 10 ans qu'elle est en galerie d'art. Là, le seul avantage que j'ai eu à refaire cette expo chez moi, c'est que j'ai repeint tous mes murs en blanc, pour au moins remettre des tableaux propres. Mais les tableaux étaient déjà sur les murs, mais voilà, avec des trous, avec des couches de peinture, parce que des fois on touche, parce que voilà, ça bouge. Et puis j'avais une grande montée d'escalier qui était en orange depuis 9 ans, et c'était un gros boulot de la refaire. Et là, ça m'a dynamisé, je l'ai refait, même ma fille m'a dit « Ah ouais, c'est quand même mieux !» Donc du coup, c'est un bien pour un mal, le fait que je sois là. D'ailleurs, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée. Tu ne peins pas sur des chevalets, tu peins sur tes tableaux accrochés au mur directement ? Non, je peins à plat dans mon atelier. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme ma maison est tout le temps en mouvement, j'ai aussi répété mes spectacles dans ma maison. Ouais. Donc quand je monte des décors ou quand je monte des choses, vous savez, les murs, c'est vite fait de prendre tac un petit coup de rouge, un petit coup de bleu. Ouais. Et puis au bout de 9 ans, on s'aperçoit que les murs, ils sont sales, mais pas sales de saleté, mais sales de peinture ou d'accrochage et tout. Donc là, j'ai tout fait en blanc, en propre, et c'est reparti pour 9 ans, là. Tranquille. Non, je peins par contre en bas, en fait. Là où je vais faire la zencasse. La zencasse, justement, on va en parler, vous inquiétez pas. Ah oui, oh oui, oh oui, j'adore ça. Ah bah c'est noté en tout cas dans mon prompteur. Mais avant, j'ai envie qu'on parle des différents artistes. Tu as dit il y aura trois Péruviens et un Hollandais, c'est ça ? Non. Non, j'ai pas tout compris. En fait, mon ami Hollandais, donc Jean-Pierre, c'est lui qui a amené les tableaux du Pérou de ces trois artistes. D'accord. Donc il y a un artiste qui a trois toiles et après j'ai un autre artiste avec une seule toile et le troisième artiste avec une seule toile en fait. Voilà. Et moi je ne les connais pas en fait du coup ces artistes. Alors peut-être qu'un jour je les connaîtrai, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça m'emmène, où ça va m'emmener, mais je sens que ce n'est pas fini. Et ouais. En plus de ces trois artistes, il y a aussi des tableaux à toi. Oui, voilà. Et donc là moi on va découvrir mon ancienne collection, Or et Noir. Des tableaux cagette que j'ai arrêté de peindre, là c'est les anciens, et mes tout derniers tableaux qui sont le protecteur, donc qui est cette forme faite, c'est ce personnage là, c'est sur des lattes de plancher. Oui. Voilà, et je l'ai fait aussi en 3D avec des fils de cuivre en fait, voilà. Des fils de cuivre de coloré pour les gaines électriques. Et pour les auditeurs, c'est vrai que moi, tu me montrais à quoi il ressemblait, ton protecteur. Je peux vous dire que vous pouvez le voir même tout de suite sur la page Facebook, vu que j'ai partagé le flyer. Comme ça, voilà. Vous pouvez voir directement sur notre page Facebook, Radio Guémozo, à quoi ressemble ce fameux protecteur. J'ai envie qu'on parle aussi, alors ce sera entrecoupé d'une pause musicale comme d'habitude, mais de l'univers de ces artistes. C'est vrai que tu n'as pas énormément de tableaux d'eux, mais je pense que le peu de travail que tu as est déjà très parlant, et si tu les exposes eux, c'est peut-être pas un choix anodin. Qu'est-ce qu'ils représentent déjà ? J'aimerais bien connaître leur nom. Alors, José Luis Rodriguez. Yasmino, ces tableaux tous les trois sont très colorés, qui tirent plutôt sur du vert et c'est des paysages, donc c'est vraiment du figuratif. Il y en a un grand qui fait peut-être 1,50 m sur 1 mètre. Donc lui, c'est un héron, c'est l'Amazone, c'est autour d'un cours d'eau. Bon, là, il y en a un autre, c'est plutôt dans le même tableau, on va avoir un visage de lion, de tigre. On va avoir un chaman qui est peut-être incorporé dans un arbre. Puis on va avoir un peu comme des nadis ou des grands fils. Et tout ça, c'est très coloré, en fait. Et en fait, quand je les ai vus, c'est pas du tout la peinture que je préfère. Mais je sais pas, il y avait vraiment quelque chose qui m'a attiré. Donc j'ai dit, allez, ok. Et là, maintenant, de les voir chez moi tous les jours, c'est... Je trouve vraiment qu'il y a une énergie qui se dégage et ils sont vraiment apaisants, en fait. Quelque chose de très magique, si oui. Je te comprends bien. Ouais. Comme tu as parlé même d'un tableau très chamanique, j'imagine que c'est peut-être aussi typique de la culture et de la spiritualité péruvienne. Alors, oui, je pense. Mais en plus, mon ami qui avait été au Pérou, ils avaient été faire un stage avec un chaman. Donc du coup, c'est vrai que je pense que tout leur séjour tournait plutôt autour de ce monde-là, de cette énergie-là chamanique, en fait. Voilà. Qui, me parle bien, parce que je parle aux animaux et j'ai mon oiseau totem, c'est un héron. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le grand tableau, c'est un héron. Donc du coup, voilà, il y avait un petit côté un peu magique et le côté un peu genre... une improvisation, quelque chose de qui arrivait dans ma vie. Je me dis, il n'y a pas de hasard, mais je ne crois pas au hasard, moi. Donc du coup, je trouve ça vraiment très très positif. En effet, c'est une, comment dire, une coïncidence assez cocasse, ouais. Assez intéressante. Cherchez le nom. Oui, ça c'est en fait les trois peintres ont vraiment le même style d'univers, très figuratif, très naturel, très chamanique. Et oui, dans tous les cas, on peut les retrouver chez toi, 4 rue du Char d'Argent Saint-Laurent à Épinal. Ouais, c'est ça. On parlera un petit peu plus tard s'il y a des horaires d'ouverture. Enfin, ne t'inquiète pas, ça fera partie du sujet. Mais tu sais quoi, j'ai envie qu'on s'écoute une pause musicale, comme on a parlé d'un petit peu de spiritualité péruvienne et tu as parlé de ton protecteur qui ressemble à un saint. Et ben, j'ai envie qu'on s'écoute une pause musicale qui s'intitule Saint Jean de Pandore. On s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Ok. Je n'arriverai plus jamais trop tard, ne reverrai plus la beauté de Saint-Jean. Des chaussures suspendues à des câbles le soir, le parfum déroulé qui s'échappe des gens. Ton regard un peu fou qui me dit, on se barre vers des idées sans forme et nos cœurs qui se fardent, repousser la nuit. Arriver bien trop tard pour enterrer l'ennui et la faim qui nous tarde. Pour enterrer l'ennui et la faim qui nous tarde. Je ne serai plus l'ivresse des bières et l'amitié promise qu'elle serait à jamais. Les églises fermées car je n'ai pas de père et les fers brisés que l'on porte au poignet. En esclave perdu, en insulte peut-être, en révolte avortée comme un peuple se tait sous la puissance avare et la bête monnaie. Un jour je partirai et tout sera perdu comme une flamme s'éteint, comme un rêve. Aperçu. Je n'aurai plus conscience des jours et mes souvenirs s'en iront pour de bon. Et les visages de ceux que j'aimais et le jour disparu dans le jeu de cette grande moisson. L'on part tous un peu, l'on se bat en vain. Le néant un jour vient bouffer nos chagrins. Se battre pour quoi? Pour un bout de demain. Pour un bout de nous-mêmes qui nous tiendra la main. Pour un bout de nous-mêmes qui nous tiendra la main. Que l'aube était belle, et que c'est triste à dire, que l'humain à la chaîne s'entretue, se déchire. Et que l'aube était belle, et qu'elle n'est qu'une fois, qu'à ma mémoire gravée elle en pâlit le froid. Et que rien n'est plus beau à l'aube qu'un crépuscule, qu'une seconde à vivre en oubliant ses heures. Ou vivant pour rien, on a tant ridicule que le temps soit moins chien, que nous ayons moins peur. jour je partirai, et tout sera perdu. Comme une flamme s'éteint, comme un rêve aperçu. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous avez à l'instant écouté le morceau Saint-Jean, issu de l'album Enfant du Vide de Pandore, que vous pouvez d'ailleurs toujours réécouter si vous voulez retrouver le podcast. Il est toujours sur Internet. Et on est toujours avec Tove Blanc pour l'exposition et le vernissage que tu organises incessamment sous peu, même si oui. J'aime pas beaucoup cette tournure. Mais oui, je rappelle, samedi 15 décembre de 18h à 23h chez toi, en plus, exposition de peinture, différents types de peinture. On a même parlé de l'univers des trois Péruviens que tu héberges. Les tableaux, oui, bien sûr, et aussi de l'énergie qu'ils dégagent. Mais c'est vrai que tu me disais de base, l'art figuratif, c'est pas trop ton truc. Et là, ça dégage une telle énergie que ça te parle. Et en fait, je me demande s'il y a une espèce de fil conducteur dans ton expo, ou une fracture volontaire entre les différents styles artistiques ? Non, il y aura vraiment un fil conducteur, parce que même si c'est de l'abstrait, je sais que des fois, les gens me disent que mes tableaux leur parlent énergétiquement, en fait. Donc du coup, je sais que il n'y a pas de fracture, on n'est pas aussi opposés les uns que les autres, en fait. Moi, je crois plutôt en l'art, et pas forcément dire toi tu dois être dans telle catégorie ou toi dans telle catégorie. Et là je pense que les choses sont... C'est vrai que là on va découvrir plutôt un univers un peu noir et or, parce que j'ai pas de tableaux qui vont être super colorés, parce que ma période colorée était il y a 5-6 ans. Donc il y aurait peut-être... Les gens pourraient penser qu'il y a une fracture par rapport à ça, mais moi je crois pas. Je crois plutôt qu'il y a une harmonie en fait qui va se mettre en place. Une certaine harmonie, et on a parlé d'énergie qui se dégage et de spiritualité avec les tableaux très chamaniques et très naturels, parce que la nature... En ce qui me concerne, c'est vrai que je ne suis pas trop censée parler de mes croyances, mais Dieu n'existe pas, ou du moins il est dans la nature, comme ça vous savez un petit peu ce qu'il en est pour moi. Et c'est un petit peu, comme tu l'as dit, ce qui ressort de leur tableau. Et toi, tu as un personnage très important vu qu'il figure sur le flyer, et c'est aussi le choix de la pause musicale que j'ai faite. Ton protecteur, en fait, tu m'as dit, c'est un bonhomme... un bonhomme bâton avec une auréole sur la tête, pour décrire vulgairement pour les auditeurs. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce protecteur ? Alors, je ne sais... c'est un peu... je vais pas forcément trouver des mots pour le décrire, parce que... En fait, avant, je peignais des anges. Des anges. Une forme que je mettais sur mes tableaux, que j'avais appelée l'ange. Et après ma collection Or et Noir, l'ange a disparu de mon tableau. Sur certains, il est revenu, mais il était plus c'était plus une obligation. Voilà. Et là, depuis l'année dernière à peu près, dans mon atelier, quand je travaillais les sculptures sur les vélos, cette forme est apparue dans mon projeté de peinture, en fait. Et j'ai intuitivement appelé le protecteur. Donc je ne saurais pas... J'ai pas une réflexion sur cette... parce que je travaille pas avec des réflexions. Je travaille plutôt avec des intuitions. Donc une intuition, c'est plutôt quelque chose que vous avez là sur le coup. Mais après, pour la décrire, pour expliquer d'où ça vient, c'est un peu compliqué. Parce que je sais pas d'où viennent mes intuitions. Même si on peut penser que ça vient d'un autre monde, d'une autre dimension, d'une autre dimension de notre propre être aussi. Mais par contre, j'ai qu'une envie, c'est d'en faire, en faire, en faire, en faire. Voilà. Et de le mettre partout, en fait, le protecteur. C'est vraiment un besoin vital. Oui, c'est ça. Là, voilà. Et je ne me pose pas la question de savoir à quoi ça va servir ou comment ça va servir, mais voilà, j'ai envie de le faire, de le créer. Et ma peinture va tourner autour de ce personnage-là pendant, un certain temps. Mais j'ai envie quand même de, enfin, peut-être t'aider un petit peu à décortiquer, même si je ne suis pas psychologue, je rappelle, mais je peux déterrer un petit peu mes cours de littérature qui m'ont appris que dans des œuvres, plus une œuvre est spontanée, plus il y a une part d'inconscient dedans. Et comme tu as dit, tu vas à l'intuition, donc il y a une grande part d'inconscient dans tes tableaux, du moins dans la naissance du protecteur, il y a une énorme part d'inconscient. Alors c'est vrai que je pense à chaud, je peux pas te prendre à chaud, je vais pas te faire une psychanalyse parce que je répète, j'ai pas fait les études adéquates, mais tu ne sais pas si c'est un besoin de protéger ou d'être protégé ou de créer une bienveillance, oui. Peut-être même au niveau mondial, parce qu'un artiste ça peut aller très loin. Ouais. Alors je sais pas si je serai reconnu mondialement. Bon, je pense que je serai reconnu après ma mort. Ça, j'en suis un peu près sûr, ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait un miracle, mais bon, on ne sait jamais. Mais oui, je pense plutôt que c'est un peu ce côté protecteur, un peu dans le sens protéger les autres, mais être moi-même protégé. Peut-être que dans mon inconscience, quand je vois la planète, comment elle vibre ces temps-ci, je suis semi en sécurité en fait. Malgré que j'essaye d'avoir cette sécurité-là, parce que je sais que le fait de penser à ne pas être en sécurité peut aussi nous amener quelque chose en retour de négatif. Donc j'essaye de rester positif. Mais je pense que c'est un peu dans ce sens-là que le protecteur, que j'ai envie de l'emmener plus loin. Voilà. Alors je ne sais pas jusqu'où. Non, mais on a hâte de voir jusqu'où tu peux l'emmener. Mais une autre question qui me vient, comme tu as dit, il y a une énorme part d'inconscient dans la manière dont tu crées. Je me demandais un petit peu, même si encore une fois tu m'as dit c'est par instinct, mais tu m'as parlé de périodes aussi. Tu as des périodes, tu as eu une période colorée qui est derrière toi, une période rouge ou noir et or. Noir et or. Est-ce que c'est... comment ça vient, ces périodes? Est-ce que c'est une émotion, une envie, Non. Alors, je peux expliquer comment est venue ma période or et noir. Volontiers. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 5 ans, alors on ne va pas prendre les dates que je vais donner là, hein, mais depuis 5 ans, j'ai un ami qui me voit. Chaque fois qu'il me voit, on se voit une ou deux fois par an. Chaque fois qu'il me voit, il me dit « Ah, il faut que je te donne de la poudre d'or ». Et donc ça dure pendant 5 ans. Chaque fois qu'on se voit, il me dit « Ah, il faut que je te donne de la poudre d'or ». Et on va dire, il y a maintenant peut-être 3-4 ans, on mange ensemble un soir, il me dit « Ah, il faut que je... » Non, il me dit « Je vais chercher la poudre d'or ». Il va la chercher, il me la donne. Je l'ai chez moi pendant plus de 6 mois. Et chaque fois que je regarde le paquet qu'il m'a donné, je me dis « Ouais, bon, je ne vois pas ce que je peux en faire ». Et puis voilà, et je travaille un nouveau décor, un nouveau spectacle. Et il faut que je remette... faut que je peigne beaucoup de noir. Tout mon décor était en noir, donc allez, je suis dans la peinture noire, je mets tout mon décor noir. Et là, je ne sais pas pourquoi, dans mon atelier, je prends un de mes anciens tableaux qui me plaisait moyennement et je m'amuse. Je prends le pot de peinture noir et je repeins tout le tableau en noir, juste voilà, pour jouer, pour m'amuser, comme je me laisse aller. Et là, je regarde la poudre et je me dis « Ah tiens, je pourrais peut-être en mettre dessus pour voir ce que ça fait. » Et je prends la poudre et je souffle la poudre sur la peinture qui n'est pas sèche. Et là, miracle, je fais « Waouh ! Géant !» Et là, c'est parti. Et là, je travaille la collection or et noir. Et là, j'ai mon côté artiste qui me dit « Bon, ben maintenant, tu prends tel tableau, machin, tac, tac, tac. Et tu fais, tu remets. Là, j'ai les techniques qui se mettent en place et tout. » Là, j'ai plutôt la technique qui va se mettre. Mais la première base, c'est encore une intuition. Une intuition de l'univers, je pense, ou de la vie. Voilà. Et tout se passe comme ça, en fait. Oui, c'est vrai que c'est fou comme ça vient d'un coup, le hasard, les envies, les choses. Parce que oui, justement, je me posais la question, comment tu peins? Tu es plus acrylique, peinture à l'huile, pigment et diluant, enfin... Alors, je travaille... Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine peinture, comme c'est de la glycéro, c'est pas très bio. Mais je travaille aussi pas mal avec de l'acrylique aussi. Et puis, je mélange les deux aussi. Voilà, donc ça donne un effet spécifique à tes tableaux. Oui, certains. La glycéro, elle est plus on va dire, moi j'appellerais ça un tape à l'œil, ça flashit plus, c'est plus comme un vernis. L'acrylique, elle est un peu plus mate. Mais mélanger les deux, ça donne des contrastes et des choses. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand la peinture se mélange et que le lendemain matin, quand vous levez, vous allez voir le tableau. vous apercevez que waouh, ça a donné quelque chose, vous attendiez pas du tout. Alors ça peut être waouh, ou alors bon, bah on va rien plus qu'à recommencer. Parce que là, c'est la peinture qui va glisser, elle va descendre sur le tableau. Il suffit que le tableau ne soit pas trop à plat, bah boum, ça prend une petite pente et ça va donner des formes, des choses comme ça. Souvent, je travaille comme ça. C'est-à-dire que le soir, des fois, je vais aller un quart d'heure en bas dans mon atelier. Là, je vide plein de peinture sur le tableau. Et puis voilà, je vais me coucher. Le lendemain matin, je me relève. Hop, je vais voir ce qui se passe. Puis des fois, elle n'est pas sèche. Alors, je déplace le tableau, je vais le mettre plutôt dans un, je vais lui mettre une petite pente, et là je m'aperçois que la peinture redescend, comme ça a fait une poche, je mets un petit coup de cutter, ça ouvre la poche, ça libère la peinture, et du coup ça va redonner d'autres choses, puis après je vais repeindre dessus, et le tableau va se créer comme ça au fur et à mesure des jours, des mois, ou des années, parce que des fois je suis resté des années sur un tableau. Puis jusqu'à des fois, ça va très vite, ça peut être juste quelques heures sur un tableau et bingo, il y a un truc qui se passe. Oui, jusqu'à ce que tu sentes les vibrations qui te parlent. Ouais, c'est ça, qui est un effet où je me dis, ah oui, ok, là, il est fini. Puis des fois, un tableau n'est pas fini, je l'expose quand même, et à la suite de l'expo, j'ai bien vu que personne ne l'avait regardé, même rien dit, je vais retravailler dessus. Et c'est ce travail-là que je vais refaire dessus en gardant un petit peu ce qu'il y avait avant sur le tableau qui va faire qu'à un moment, bingo, le tableau est fini et se met en place. C'est pour la découverte de ton univers que voilà, tu l'as très bien vendu. Moi, j'ai très, très envie d'aller faire un petit tour dans ta galerie. Et pour ceux qui veulent, n'hésitez pas, vous pourrez aller voir Tov Blanc. On répétera l'adresse et tout ce qui va avec juste après. Mais un autre élément important du vernissage, il s'agit de la performance, la Zencasse. Alors, tu m'as dit un petit peu plus tôt que tu collectais justement tout ce qui était porcelaine, un petit peu inutilisable entre guillemets ou dont les personnes ne veulent plus pour ta performance. La Zencasse, tu as dit que c'est le fait de casser quelque chose. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors en fait, il y a un mur, j'ai fabriqué un mur dans ma cave et on va jeter les assiettes sur le mur pour se défouler. Alors au début, les gens sont un peu timides, donc ils jettent l'assiette tranquillement. Puis après, quand ils se prennent vraiment au jeu, au bout de 5-6 assiettes, ils sentent qu'ils peuvent se défouler. Donc là, ils jettent plus fort, ils rient ou ils crient même. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en fait. Est-ce que cette performance après va donner lieu à une œuvre qui pourra être fixe ? Est-ce que par exemple la vaisselle cassée sera projetée avec un peu de peinture dessus pour laisser des traces de couleur ? Ou est-ce que la vaisselle aura une certaine couleur et vu du dessus ça donnera quelque chose ? Alors la vaisselle qui va être cassée et qui est cassée depuis que j'ai commencé à monter ce mur, parce que j'en ai déjà cassé un bon paquet, ça je le garde parce qu'en fait je voudrais faire une performance, je voudrais faire un smiley. Mais un petit peu grand, 4 fois comme cette pièce. Ah oui, quand même. Oui, voilà. Et je voudrais le faire d'un endroit où on peut le voir de hauteur. Voilà. Et donc, du coup, ça va donner un smiley blanc. Et les yeux et la bouche, eux, seront faits avec de la porcelaine ou de la vaisselle de couleur. Donc aujourd'hui, je sépare toute la vaisselle qu'on me donne. Toutes mes assiettes de couleur ou les verres de couleur ou les tasses, je les mets de côté et ceux-là seront cassés seuls. Et après, je vais monter mon smiley. Et ça, je ne sais pas où encore. Voilà. Alors, c'est un petit peu les personnes qui viendront à l'exposition qui vont t'aider à préparer ce grand smiley. Voilà, c'est ça. Parce que l'idée du smiley, c'est que je me suis dit, la Zencasse, quand je vois l'effet que ça fait sur les gens qui sont venus essayer, parce que j'avais besoin de monde pour tester, ça fait vraiment un smiley sur leur visage. Ils ont vraiment, ils font « waouh, c'est magique, ça les détend ». Ceux qui le font, hein, parce que je vois, il y a des personnes qui ne veulent pas casser, donc ceux-là, je ne les oblige pas. Mais les autres, elles ont vraiment un sourire, et donc c'est ça. Et je ne veux pas quelque chose qui reste. Donc je veux faire un smiley, ou après on pourra même marcher dessus, parce que le soir du vernissage, on pourra marcher sur de la vaisselle cassée. J'ai fait dans un couloir tout un parcours, parce que ça donne vraiment une drôle de sensation en fait. Et pour qu'après le smiley, lui, reparte en déchetterie, dans les gravats, comme c'est le cas habituel à l'heure actuelle. Mais c'est donné un petit peu une vie de transition à cette vaisselle qui était destinée à aller, à la poubelle, c'est peut-être pas le mieux, mais à la déchetterie à sa place. Et en plus, je veux pas que la transition, je veux pas que ça soit que la violence qu'on garde. Donc ça veut dire qu'il y a une violence qui est faite quand on va projeter l'assiette, donc qui libère une énergie positive chez l'être humain. Mais pareil, quand c'est cassé, je veux aussi que ce morceau qui a été cassé, qui lui a reçu une violence en arrivant dans le mur, eh ben, il puisse servir à une œuvre d'art, quelque chose qui soit positif en fait. Oui, et comme tu l'as dit, le fait de se défouler après, ça permet aux personnes de se sentir défoulées et de rayonner des ondes vibratoires beaucoup plus positives. Ouais. Et c'est aussi cet immense smiley qui sera le reflet de tout ce bien-être que tu auras permis aux gens d'atteindre. Oui, et ça permettra aussi à l'assiette qui, elle, a reçu une énergie négative, de pouvoir la transformer, elle, son énergie, en positif, donc en smiley en fait. Donc là, je cherche le lieu par contre. Ah, alors si quelqu'un nous écoute et a un lieu intéressant, j'imagine qu'il peut te contacter. Oui. Ah, dis donc, de préférence sur Épinal, j'imagine. Non, pas forcément. Ah, même pas. Non, ça peut être au-dessus d'un immeuble, hein, où les gens ont accès, admettons, ça pourrait être sympa, dans un immeuble, qu'une personne dise bah voilà, moi j'ouvre mes portes, on peut voir depuis mon balcon, en dessous de la cour. Un smiley, et ça serait génial, la personne verrait défiler des centaines de personnes dans son appartement. Mais je viens de me donner une idée là, donc du coup je vais la creuser celle-là. Ah, pourquoi pas, c'est une très bonne chose. Ouais. Un petit peu plus tôt dans l'émission, tu avais dit que dans tous les cas ton art te survivra et que tu penses être connu au-delà de ta mort. Et oui, c'est quelque chose qu'on espère pour tout artiste, que son art continue de vivre. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le titre de la pause musicale qu'on va s'écouter tout de suite, un morceau du groupe Duel que j'ai eu hier soir à l'antenne. Que viva el amor, ce n'est pas que viva la passion, que viva l'art, que viva la paix, mais c'est que viva el amor qu'on s'écoute maintenant et on se retrouve juste après. Ok. Et nuit sauvage, au bord de la piscine à débordement, les jeunes filles font bronzer leurs longues et fines jambes blanches. Allongée en plein cagnard sur ta serviette Mexico 86, sirotante à la paille un cocktail exotique, toi, tu me jures de tes grands yeux noirs que jamais on ne s'abandonnera. Partout le ciel, partout la mer, partout les carrés, les billets sards. Appelez la police et je meurs. Partout les anges, partout se balance. Partout les carrés, les billets s'arrachent. Appelez la police et je me rendrai sans résister. Ikebi Balam. Plage et nuit sauvage. Au bord de la piscine à débordement, les jeunes filles font bronzer leurs longues et fines jambes blanches. Allongé, même le sable dans le maillot de bain zébré que tu m'offres à Vegas, sirotant à l'ombre un rhum jamaïcain. Moi, je te jure que jamais je ne les laisserai t'enlever. Partout le ciel, partout la mer, partout les carrés, les billets sortent. Appelez la police et je me. Partout les anges, partout se balance. Partout les carrés, les billets s'arrachent. Appelez la police. c'était Kebiba, la mort de Duel, de leur EP Palma Pop qu'on a eu hier soir, et d'ailleurs morceau qu'on n'a pas pu écouter. Vous êtes toujours sur Radio Gemozo 107FM dans l'émission L'Heure des Loups, toujours avec Toff Blanc pour l'expo et le vernissage qui a lieu quand même dans très peu de temps, et oui, samedi. Alors Toff, ça va être, ou Toff Blanc. Oui, c'est bon. C'est tout grave. Un ensemble. Excuse-moi. Voilà, ça va être le moment de dire voilà, les dernières informations nécessaires pour les auditeurs, pour les questions qui se poseraient encore, à commencer. Bah, quand on parle d'expo, parfois il y a un prix d'entrée à payer pour plein de raisons. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée à payer pour l'exposition que tu proposes chez toi ? Non, il n'y a pas de prix d'entrée, parce que voilà, j'invite les gens. Alors le jour du vernissage, c'est, je vais juste redonner 2-3 informations, c'est de 18h à 23h. Voilà, j'ai mis une plage un peu large. Pour la Zencast, j'ai mis une petite tirelire. Si les gens veulent mettre, là, ils feront. S'ils veulent, il n'y a pas de problème. S'ils viennent avec des assiettes, c'est encore mieux. Ouais. Si les gens veulent venir avec des assiettes, des verres, pas des verres, mais plutôt des tasses ou des soucoupes, des choses comme ça, des plats en porcelaine, voilà, merci. Et puis par contre, pour le restant des mois à venir, en fait, vaut mieux m'appeler pour savoir si je suis là et pour me dire, pour me demander de visiter mon expo en fait. Parce qu'il n'y a pas d'horaire d'ouverture précis, c'est pas comme un magasin ou une institution, c'est chez toi. Oui, c'est chez moi. Donc du coup, s'ils voyaient que le camion est là, bah, je suis là. Sinon, non, vaut mieux m'appeler pour venir visiter. Voilà, c'est plus simple. Et on peut répéter à nouveau ton numéro aux auditeurs, numéro qui sera d'ailleurs indiqué avec le podcast de l'émission. Tu veux le Donc dire mon numéro de téléphone est le 0603 43 84 53. Voilà, et l'expo a commencé depuis le 1er décembre, elle va jusqu'au 1er février, voilà, et le vernissage, donc c'est samedi, de 18h à 23h. Voilà, comme ça, il y a une certaine amplitude de temps pour que toutes les personnes intéressées puissent s'y rendre. Rappeler que oui, ça a beau être chez toi, on peut peut-être rappeler aussi l'adresse. 4 rue du Char d'Argent, à Épinal, à Saint-Laurent. Le plus simplement du monde. Dis, tant que j'y pense, qui dit vernissage dit généralement nourriture, il y aura à manger ? Oui. Alors, il va avoir des gâteaux apéritifs, des crudités, voilà, et puis un petit peu d'alcool. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Du jus de fruits, du vin chaud aussi. Voilà, de la bière, des gâteaux, des rochers. Plein de choses. Et à ce que j'entends, ça peut convenir à différents types de régimes alimentaires, vu que c'est la question que je pose tout le temps. Oui, oui, oui. C'est important de le préciser. Comme tu le disais aussi, il y a des tableaux à toi avec, entre autres, le protecteur et ta période noir et or, et aussi des tableaux de Péruviens qui ne seront malheureusement pas présents, mais à qui on pourra découvrir leurs œuvres. Ah oui, et j'imagine qu'on pourra aussi découvrir, s'ils ont un site internet, un Facebook, on pourra les retrouver, à moins qu'ils n'en aient pas, et puis ce sera le mystère de la vie d'artiste. Je ne sais pas, il faut que je demande à Jean-Pierre, mon ami, qui me donne leurs coordonnées s'ils ont un Facebook. Ou s'ils ont un site web. Voilà, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à aller le samedi 15 décembre au vernissage chez Toff Blanc. Il faut te prévenir, j'imagine. Oui, il vaut mieux m'appeler avant pour me dire si combien de personnes y viennent et tout. Bon, si les gens arrivent sans avoir prévenu, ils seront accueillis, hein, y a pas de problème. Pour l'instant, j'ai une trentaine de personnes qui seront présentes. Ah, c'est quand même pas négligeable. Après, sur la plage horaire, 18h-23h, voilà, si on pense à 5 heures de vernissage, quand même, c'est pas négligeable. Donc, il y a encore largement assez de place. Oui, il n'y a pas de problème, en fait. En plus, je peux accueillir beaucoup de monde. Et puis, la maison est grande, donc du coup, ça va, il n'y a aucun souci. Ah, bah décidément, tu vends vraiment très très bien cette exposition qui, tu l'as dit, va déménager après le 1er février, c'est ça ? Oui, en général, mes tableaux vont peut-être partir ailleurs, je vais trouver d'autres expos, je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment je vais travailler l'année 2019 au niveau de ma peinture. Dans tous les cas, si tu sais comment ça se passe et si tu as à nouveau des choses à raconter à nos éditeurs, tu sais où nous trouver. Oui, avec plaisir. dans tous les cas, je pense qu'on a peut-être fait le tour de la question, Toff Blanc, à moins qu'on ait des choses, à moins que j'ai omis de te poser certaines questions. Non, ça va, je pense que c'est tout bon. Ah ben dans ce cas, on va déjà pouvoir passer à la dernière, toute dernière partie de l'émission. Il s'agit de la programmation de la soirée et déjà malheureusement le moment de se dire au revoir. Alors comme on est jeudi, on retrouvera dès 20h l'équipe de Débadéo. Malheureusement je ne serai pas présente, je serai à la Bresse à la rencontre de Nicolas Mathieu, le tout jeune prix Goncourt spinalien. Mais Débadéo, il me semble, si je ne me trompe pas, ils reçoivent les Gilets jaunes que j'ai reçu mardi, donc ça promet d'avoir beaucoup d'ambiance dans les locaux. Puis 23h on retrouvera rock à la Casbah, puis musique jusqu'à demain matin 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Pour ceux qui l'ont loupée ou qui ont envie de la réécouter juste pour le fun, elle sera sur notre site internet radioguemozo.eu rubrique émission et rediffusion puis l'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Guemozo. Dans tous les cas, tous les sites internet, toutes les pages Facebook qui peuvent être identifiées sur l'un ou sur l'autre, le seront, vous avez l'habitude. Et oui, dans tous les cas, que ce soit sur ordinateur, tablette, smartphone, peu importe les systèmes d'exploitation, tout fonctionne pour écouter et télécharger. Puis on est demain, on est vendredi. Alors vous pourrez écouter Mathilde pour sa chronique et enfin la matinale de Marion qui vous répétera qui vous racontera le programme de la journée de demain. Demain, on sera vendredi, et qui dit vendredi dit billets de sortie, florilège d'annonces, d'interviews, d'événements dans les secteurs. Voilà, c'est pour ça que je te disais qu'on allait en reparler, parce que j'en reparlerai bien entendu demain pour les auditeurs fidèles aux billets de sortie. Enfin bref, comme ça vous avez toutes les informations nécessaires pour tenir jusqu'à demain 18h. Top Blanc, merci beaucoup de t'être déplacé. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage pour ton exposition. En tout cas, ça donne très envie. Moi, tu me l'as bien vendu. Je suis sûre que ça a été le cas pour les auditeurs. Alors, beaucoup de courage à toi. Belle soirée à toi et belle soirée aussi aux auditeurs qui nous écoutent. On se retrouve demain, même heure, sur le 107. Bonne soirée à tous.